jive, ça fait blah blah blah. Oh shit, on est chaud, chaud, chaud. Dans mon cœur, que des bad, bad gueules. Ah, ah non, ah, ah. Show, show, show. Et quand j'arrive, ça fait bleu.